بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On va continuer, aux chers frères, barakallahu fikoum, aux chers frères et sœurs, la lecture et la méditation sur ce poème, le poème du très savant Sa'di rahimahullah, intitulé « Es-seyru ilallahi wa dar il-akhirah » « Le cheminement vers Allah et la demeure finale ». Et donc, comme on a vu précédemment dans ce poème, on aborde les différentes stations par lesquelles passe celui qui chemine vers Allah, tabaraka wa ta'ala. C'est-à-dire que ce poème, en réalité, nous montre les causes du bonheur. Les causes du bonheur. Et donc l'auteur, il nous dit, rahimahullah, وَيَتَقَرَّبُونَ إِلَى الْمَلِيكِ بِفِعْلِهِمْ طَاعَتِهِ وَالتَّرْكِ لِلْعِسْيَانِ. Et il cherche à se rapprocher du maître, el-malik. Il cherche à se rapprocher du maître suprême en lui obéissant et en délaissant le fait de... Donc, en délaissant les péchés. Watarki, l'ilisien. Et donc, le moyen qu'ils utilisent pour se rapprocher d'Allah, tabaraka wa ta'ala, c'est premièrement lui obéir, et deuxièmement, donc obéir concernant les ordres, tout ce qu'il nous ordonne, on lui obéit. Et deuxièmement, le fait de délaisser les interdits. Et il continue l'auteur et il dit... فعل الفرائض والنوافل دأبهم مع رؤية التقصير والنقصان. Et le fait d'accomplir les obligations ainsi que les actes surérogatoires sont leurs habitudes, tout en voyant que dans leurs actes il y a des manquements et des défauts. Aujourd'hui, on va méditer sur ces deux vers-là. Et donc, premièrement, chers frères, il est important de savoir que nous devons tout faire pour nous rapprocher d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et comment nous rapprocher d'Allah tabaraka wa ta'ala? Dans le hadith Qudsi qu'on a déjà vu plusieurs fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit que Allah tabaraka wa ta'ala il dit man 'ada li waliyan faqad adhantuhu bil harb. Celui qui a de l'animosité envers un de mes alliés, alors je lui déclare la guerre. Allah il dit ça concernant toute personne qui a de l'animosité envers un de ses alliés. Et ensuite il nous explique comment devenir un des alliés d'Allah, c'est-à-dire quelqu'un qui est proche. Alors il nous dit wa ma taqarraba 'abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma iftaradtu 'alayhi. Mon serviteur ne se rapproche de moi par une chose que j'aime le plus que ce que je lui ai rendu obligatoire. Si tu veux te rapprocher d'Allah, la première chose que tu dois faire, c'est accomplir tes obligations. Es-salat, es-zakat, es-siyam, etc., etc. Première chose que tu dois faire pour te rapprocher d'Allah, ce sont les obligations. Et ensuite, il dit, tabaraka wa ta'ala, wa la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibba. Et mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi en accomplissant des actes surérogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Et donc tu commences par tes obligations. Et ensuite, tu as tes actes surérogatoires. Tu vas rajouter des prières ici, des prières là-bas, des sadakas, des sourires, de bonnes paroles, etc., des jeûnes, la lecture du Coran, tu rajoutes des actes à droite à gauche. Tu remplis ton emploi du temps. Tu remplis ton emploi du temps. Au final, tu obtiens quoi? L'amour d'Allah. Hatta uhibba. Jusqu'à ce que je l'aime. Jusqu'à ce que je l'aime. Et donc ces gens-là, les gens du bonheur, ce sont les gens qui accomplissent les causes pour que Allah tabaraka wa ta'ala, il les aime. Et Allah tabaraka wa ta'ala, dans son livre, il nous montre une de ses caractéristiques, les caractéristiques de ceux qui sont proches d'eux. Il nous dit Was-sabiqun, ulaika al-muqarrabun. As-sabiqun, ça veut dire quoi ça? Pour les arabophones, ça veut dire quoi as-sabiq? Celui qui précède. Et donc pourquoi Allah tabaraka wa ta'ala nous montre cette caractéristique? Qu'est-ce qui est voulu ici? Celui qui précède. Dans le din, en fait. Dans le din. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont des gens, ils se concurrencent dans le bien. As-sabiqoun, as-sabiqoun. Donc ces gens-là qui se concurrencent dans le bien, oulaika al-muqarrabun, ce sont eux qui sont proches d'Allah. Tu arrives à la mosquée pour la salat, quand tu arrives, il est toujours là. Il est toujours arrivé avant tout le monde, il est là en train d'attendre. Tu es là, tu veux mémoriser le Coran, il est toujours là. Il a appris plus. Etc, etc. Abou Bakr et Omar, ils se concurrençaient. Ils se concurrençaient dans tout, dans les ibadats. Et un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam devait partir. Et Abou Bakr a décidé de donner une aumône. Alors Omar aussi. Lorsque Omar a vu ce que Abou Bakr a donné comme aumône, qu'il a tout donné, tout ce qu'il avait. Donc on lui a dit, mais qu'est-ce que tu as laissé pour ta famille? Je leur ai laissé Allah et son messager. Omar, il a dit, j'ai compris qu'il n'y avait plus de concurrence. Là, j'ai compris que c'est bon. Et donc ces gens-là, ils se concurrençaient. Mais aujourd'hui, les gens, ils se concurrencent dans la dunya. Ah, moi j'ai acheté ci, j'ai fait ça, j'ai voyagé dans tel pays, et toi, t'as pas bougé de la Martinique. Moi j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Et donc il faut qu'on comprenne, barakallahu fikoum, oh chers frères, on veut, nous voulons nous rapprocher d'Allah, tabaraka wa ta'ala, il faut qu'on arrête le fait de ne rien faire. Parce qu'ici, on est sur une île où on prend l'habitude de peut-être être inactif, le fait de ne pas faire grand-chose, il y a les cocotiers, il y a la mer à côté, etc., etc., etc. On est bien, tu te réveilles le matin, tu entends les poules, tu vois le petit colibri qui passe. Tu es là, tu admires. Mais l'islam nous pousse à agir. Nous pousse à nous bouger. Et c'est pour ça que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, comme dans Jami al-Tirmidhi, il nous ordonne, il nous dit, priez la nuit. Kumulli, priez la nuit. فَإِنَّهُ دَعْبُ الصَّالِحِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ. Priez la nuit car c'est l'habitude des pieux d'avant vous. Les pieux d'avant nous, ils avaient l'habitude de prier la nuit. فَإِنَّهُ دَعْبُ الصَّالِحِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ. mukaffiratun aw makthara lil afam aw lis sayyiat. Et c'est un moyen pour, c'est un moyen d'expiation des péchés. Manhiya aw manhat lil afam. Et c'est un moyen qui nous empêche de tomber dans les péchés. Tu veux te rapprocher d'Allah tabaraka wa ta'ala. Tu veux que tes péchés soient pardonnés. Tu veux suivre la voie des pieux. Venez, on essaie de se bouger. On se motive. Tu rentres à la maison. Tu dis à ton épouse, bon alors ce soir, on essaie de se réveiller à telle et telle heure. On essaie de prier un petit peu. Alors ce soir, je vais essayer de me réveiller. Si tu vois que je ne me réveille pas, aide-moi un petit peu. Etc, etc. Mais il faut qu'on soit actif. Il faut qu'on comprenne que on n'a rien sans rien. Souvent, les gens comprennent quand on leur parle de sport. Parce que ce sont des exemples qui sont faciles. Les joueurs connus dans le sport, ils n'ont pas atteint le niveau qu'ils ont atteint en restant devant la télé comme ça, en attendant que le colibri passe. Non, ils ont bougé, ils ont fait des pompes, ils ont couru, ils ont sauté, ils se sont fait transpirer. On veut se rapprocher d'Allah comme ça, sur le fauteuil, tranquille, normal. On ne cherche même pas à lire le Coran. Alhamdulillah. Aujourd'hui, on ne cherche même pas à le lire. On prend le téléphone, on met un récitateur et on dit Alhamdulillah. Je suis posé, j'entends le récitateur. Et ça y est, on a fait notre ibadah. Taïb, pourquoi tu ne cherches pas à lire toi? Et donc, c'est important, cher frère, barakallahu fikoum, qu'on se concurrence dans le bien. Les gens se divisent en trois types. Il y a As-sabiqoun, comme ça a été cité dans le verset. As-sabiqoun, ceux qui se concurrencent et ceux qui ont précédé les autres, ce sont ceux qui accomplissent leurs obligations et qui rajoutent à cela des actes surérogatoires. Ils remplissent leur emploi du temps. Tu veux le trouver? C'est pas facile. Il est toujours occupé dans l'ibada. Il remplit son emploi du temps. As-sabiqoun. Le deuxième groupe, al-muqtasidun. Ce sont ceux qui vont faire les obligations, mais ils ne vont pas faire des actes surrogatoires, ou alors peu. Mais par contre, lorsqu'ils vont tomber dans des péchés, ils vont se rappeler de leur Seigneur et implorer le pardon. Et donc c'est toujours un groupe qui est positif. Ils sont toujours dans le bien. On a le troisième groupe, ceux qui sont injustes envers eux-mêmes. Il n'y a pas de surrogatoire. Les obligatoires, on est à l'ouest. Et les péchés, on a du mal à se repentir, etc., etc. Et donc il est important, barakallahu fikoum, ô chers frères, qu'on comprenne que si on veut se rapprocher d'Allah tabaraka wa ta'ala, il faut qu'on aille en haut, les sabiqoun, ceux qui se concurrencent dans le bien. Ceux qui se concurrencent dans le bien. Et la première concurrence qu'on doit avoir, c'est dans la salat. C'est le premier sujet sur lequel on sera interrogé en Melkiyam. Il y a une sœur, une convertie en France, qui m'a demandé un conseil. Comment je fais pour choisir un bon mari? Je suis convertie. J'ai pas de frère pour faire des enquêtes pour moi. J'ai pas ci, j'ai pas ça. Je peux demander à des imams d'être tuteurs pour moi, etc. Mais comment je fais pour chercher un bon mari? Quels sont les critères? Parce qu'elle cherchait. Alors je lui ai demandé, mais est-ce que vous cherchez à savoir concernant la prière? Parce qu'à chaque fois, elle me disait, il faut que mon mari me donne mon droit sur ça, sur ça, sur ça, sur ça, sur ça, sur ça. J'ai dit, ok, d'accord, ton droit sur ça, sur ça, sur ça, sur ça. Taïm, mais il est où le droit d'Allah? Si le premier sujet sur lequel il sera interrogé, Yom El-Qiyama, il n'arrive pas à le faire, comment tu veux qu'il te donne ton droit à toi? Comment veux-tu que ton droit soit respecté si le premier sujet sur lequel il sera interrogé, Yom El-Qiyama, il n'arrive pas à le respecter? Et donc c'est important, oh cher frère, barakallahu fikoum, qu'on accomplisse nos obligations. Cette salat, elle est très importante. Nous ne devons pas la négliger. Ça aurait pu être 50 par jour. Allah nous a facilité 5 par jour. On s'efforce de l'accomplir à la mosquée en fonction de nos capacités. Moi, ça m'attriste, moi, quand je viens ici. Moi, ça m'attriste, hein, je vous le dis. Quand je vois tous les moyens qui ont été mis ici, elle a un sable, on prie à deux. Ah non, j'étais tout seul aujourd'hui. Combien de fois un cher Baké qui me dit Abdelkarim, fais l'Eden. Je fais l'Eden. On attend, on attend, on attend. Ensuite il me dit Abdelkarim, Akimis Salat. Elle dit comment c'est un deuxième appel. Il me dit, il n'y a personne qui a répondu, mais personne n'a répondu à l'appel à la prière. Alhamdoulilah, on va prier. Il faut qu'on s'efforce, les frères, de la même façon qu'on se donne les moyens pour le travail. Ton patron, il te dit de monter je ne sais pas où dans le nord ou d'aller je ne sais pas où dans le sud. Tu ne vas pas dire, ah ouais, mais c'est un peu loin. Tu vas y aller. Tu vas y aller. C'est si difficile que ça de venir à la mosquée. C'est si difficile. Il y a un shaitan à l'entrée de la mosquée qui te dit non, non, non, attention, tu rentres, je vais te taper. Et donc c'est important, barakallahu fikoum, qu'on s'efforce. Ennefs, je sais. Ennefs nous dit reste à la maison, t'es bien. Il y a les enfants, etc. T'es confortable, t'es bien. Combat ton nefs. Combat ton nefs. Efforce-toi de venir à la mosquée, venir passer du temps. Qu'est-ce qui nous... J'ai l'impression, et c'est malheureux de le dire, que c'est El Fajr, El Isha. On prie à la mosquée, Fajr, Isha. Et les autres salawat, elles sont où? Pourquoi, si pour l'instant c'est difficile de rajouter les autres, je vous propose, on en rajoute une. Vu que de toute façon, tu viens pour le Isha, rajoute le Maghrib. Tu viens à la mosquée, tu viens pas pour le Isha, tu viens pour le Maghrib. Ensuite, tu restes à la mosquée du Maghrib jusqu'au Isha. Tu révises le Coran, tu apprends des nouveaux versets, tu révises tes cours, tu cherches à te rapprocher dans la tabaraka wa ta'ala. Ton téléphone, tu le mets là-bas près des chaussures. Vous avez vu où là on range les chaussures? Eh bien, tu mets ton téléphone là-bas. Pourquoi? Parce que lorsque tu es au travail, on va pas te déranger. Tout le monde sait qu'il ne faut pas te déranger parce que tu es au travail. Eh bien, quand tu es à la mosquée, ça doit être pareil. Il ne faut pas qu'on te dérange parce que là, tu es au travail. Et donc, c'est important qu'on se donne les moyens. Viens pour le Maghrib, tu restes, alhamdoulilah, tu fais tes actes d'adoration, tu pries l'Isha, et après, tu retournes à la maison. Et comme ça, si on arrive à faire ces trois prières-là à la mosquée, Masha'Allah, c'est déjà un bon début. Après, on va rajouter, on va trouver un moyen pour rajouter les autres, Masha'Allah. Bi'idnillah. Et donc, quand l'auteur il nous dit que ça, c'est donc l'accomplissement des obligations et des actes surérogatoires, c'est l'habitude, c'est leur habitude. Et quand le prophète il nous dit que la prière de nuit, c'est l'habitude des pieux, ça veut dire quoi l'habitude? Ça veut dire que ce n'est pas quelque chose qu'ils ont fait un jour, deux jours et après, ils sont essoufflés. c'est aussi fini. Khalas. Non. L'habitude, c'est que tu le fais tout le temps. Tout le temps. Donc tu ne vas pas commencer à faire. Ça va être que difficile si tu commences dès aujourd'hui à vouloir prier 2-3 heures la nuit. Tu vas te mettre dans une difficulté. Vas-y petit à petit. C'est comme le sport. Tu ne viens pas d'un coup et à pousser 150 kilos au développé couché. Tu vas commencer avec la barre vide. Après, on te met 5 kilos. Les gens te regardent et disent il n'a pas de force, mesquine. Mais tu dis c'est pas grave, on verra dans 2 semaines. Tu continues. Et donc, c'est important qu'on y aille petit à petit. Mais il faut qu'on fasse les premiers pas. Et c'est à vie. Allah tabaraka wa ta'ala qui nous dit « Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin » Adore ton Seigneur jusqu'à ce que vienne à toi al-yaqin. Al-yaqin, c'est la mort. Adore ton Seigneur jusqu'à la mort. C'est triste de voir que pendant Ramadan, on est motivé à la fin de Ramadan. On a changé le sens du verset. Adore ton Seigneur pendant Ramadan. Taïb, toutes les prières du Tarawih qu'on fait pendant Ramadan. Le Tarawih, c'est pas obligatoire, c'est surrogatoire. Et on arrive à le faire. Ça veut dire que tu as la capacité, en plus des prières obligatoires, de rajouter plusieurs surrogatoires. Pourquoi tu ne le fais pas pendant les autres mois? Pourquoi tu ne le fais pas? Tu finis l'Isha, tu rentres à la maison, et Allah, allez, venez, on prie. Pourquoi est-ce qu'on... C'est que pendant Ramadan. Et donc c'est important, cher frère, barakallahu fikoum, donnez-vous les moyens. On se donne les moyens. Tu ne peux pas tout faire. Ça va être difficile. D'ailleurs, le prophète a déconseillé cela. Le fait de chercher à tout faire. Parce qu'il y a, nous avons une religion qui est complète. Il y a vraiment énormément d'actes d'adoration. Il y en a vraiment beaucoup. Mais c'est important que tu cherches à faire ce qui t'est profitable. Ihris ala ma yanfa'uk, il dit sallallahu alayhi wa sallam. Efforce-toi de faire ce qui t'est profitable. La religion musulmane n'est pas une religion de paresse. Et malheureusement, aujourd'hui, le mode de vie que nous avons nous pousse à la paresse. Tu veux te déplacer, il y a la voiture. Tu veux si... Bientôt, ils vont nous ramener donc la télécommande qui fait sortir l'objet du le repas du frigo qui te l'amène devant toi. La paresse. Moins tu bouges et mieux c'est. On applique ce même principe dans notre religion. C'est ça le problème. On devient paresseux dans notre religion. Et ces gens-là, malgré tout ce qu'ils font, ils vont prier la nuit, ils vont faire leurs obligations, des actes surrogatoires, et malgré cela, ils voient que il y a du manquement, il y a des manquements dans leurs actions. Ils ne sont pas imbus de leur personne, ils ne sentent pas qu'ils sont parfaits, mais ils ressentent la faiblesse qu'ils ont. Et ça, c'est important. Parce que ceux qui sont satisfaits de leur travail, ceux qui sentent que ça y est, ils en ont fait assez, ce caractère va les pousser à délaisser, à arrêter. Et donc tu ne dois jamais être satisfait, tu n'en auras pas fait assez. D'ailleurs, peu importe ce que tu fais, je te le dis tout de suite, peu importe ce que tu fais, ce ne sont pas tes œuvres qui vont te faire entrer au paradis. Elles ne sont pas suffisantes. Peu importe ce que tu fais, tes œuvres ne suffisent pas pour te faire entrer au paradis. Comme il l'a dit sallallahu alayhi wa sallam, innahu lan yadkhula ahadun minkum al-jannata bi'amali. Aucun d'entre vous ne rentrera au paradis par ses œuvres. Aucun. Aucun. Ils ont dit même toi, au messager d'Allah, il a dit même moi. Si Allah ne nous fait pas miséricorde, on ne rentre pas. On ne rentre pas. Nos œuvres sont... Allah tabaraka wa ta'ala, il accepte de nous un peu. Et ça, c'est la miséricorde d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et ça, on le verra dans Ar-Rida. La satisfaction. Le fait d'être satisfait du décret d'Allah tabaraka wa ta'ala. On verra qu'il y a une parole des pieux prédécesseurs. Ils disent, celui qui est satisfait du décret d'Allah et qui est satisfait qu'Allah lui accorde un peu de subsistance, alors Allah sera satisfait de lui qu'il accomplisse un peu d'œuvre. Et donc Allah, par sa miséricorde, il accepte nos œuvres. Il nous facilite. Il nous fait entrer au paradis. Incha'Allahu ta'ala. Et donc, ne sois pas surpris par tes œuvres. Car tout ce que tu fais comme œuvre, c'est par l'aide d'Allah tabaraka wa ta'ala. Si Allah ne t'accorde pas la réussite, tu ne pourras pas faire cela. Et c'est pour cela qu'il nous dit, donc comme dans le Fatiha, dans cette invocation qu'on va réciter dans le Fatiha, « Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in » C'est toi seul que nous adorons et c'est à toi seul que nous implorons de l'aide. Taïb, l'imploration, le fait d'implorer de l'aide, c'est un acte d'adoration. Est-ce qu'il y a une répétition ici? C'est toi seul que nous adorons et c'est toi seul que nous adorons. Non, il n'y a pas de répétition. Ce qui est voulu ici, c'est toi seul que nous adorons et c'est à toi seul que nous implorons de l'aide, car toute adoration que nous faisons ne peut se faire sans l'aide d'Allah. Alors ne sois pas satisfait de ce que tu fais comme acte d'adoration, mais sois humble. Donc ensuite l'auteur il nous dit, rahimahullah, وَصَبَّرُ النُّفُوسَ عَلَى الْمَكَارِهِ كُلِّهَا شَوْقًا إِلَى مَا فِيهِ مِنْ إِحْسَانِ. Et ils ont enduré concernant toutes les difficultés. الْمَكَارِهِ. Certains peuvent comprendre que ce qui est voulu ici, c'est ce qui est détestable. En fait, le sens, c'est ce qui est difficile. Parce que nefs, l'âme, déteste délaisser telle chose qu'elle aime. Tel plaisir de ce bas monde que l'âme aime, etc. Et donc c'est quelque chose qui est difficile à accomplir ou à délaisser. Et c'est pour cela qu'il dit, sallallahu alayhi wa sallam, comme dans Al-Bukhari, le hadith de Anas ibn Malik, il nous dit, Huffatil jannatu bil makarih wa huffatin nar bil shahawat. Le paradis a été entouré de makarih, des choses difficiles à faire ou à délaisser. Le paradis a été entouré de choses difficiles à faire ou à délaisser. Et l'enfer a été entouré de tentations. Et donc l'auteur ici, il nous appelle à patienter, à endurer. Parce que cette caractéristique fait partie des caractéristiques des gens du paradis. Tu veux rentrer au paradis? Endure. Il faut que tu apprennes à patienter. C'est pour ça qu'il dit, tabaraka wa ta'ala, wa bashiri sabirin. Annonce la bonne nouvelle aux endurants. Et c'est pareil dans tous les domaines, mes frères. Tu as un métier, tu veux réussir dans ton métier, dans ta profession, il va falloir que tu sois endurant. Il y a des heures de travail à donner. Tu étudies, tu veux réussir dans tes études, il va falloir que tu sois endurant. Tu fais du commerce, il va falloir que tu sois endurant. Ce n'est pas le premier jour, tu as vu, ça marche, directement, tu ne travailles plus, tu ne fais rien. Non. Le premier jour, ton commerce, il a bien marché. Le deuxième jour, tu vas retourner parce qu'il faut que tu sois endurant. Dans le sport, il faut que tu sois endurant. Pourquoi dans la religion, il ne faut pas qu'on soit endurant? Et donc, Allah tabaraka wa ta'ala, il annonce la bonne nouvelle aux endurants. Même quand un mal les touche, ils sont endurants. Ils patientent et endurent pour Allah tabaraka wa ta'ala. Parfois, certains vont avoir du mal à patienter au début. Tu vas aller le conseiller, il va te dire laisse-moi. Wa alaykoum salam wa barakatuh. Tu lui dis hier, non, je ne veux rien entendre. Personne ne me parle. Subhanallah. Elle est où la patience? Ensuite, une fois qu'il s'est calmé, il revient et il pense qu'il a bien patienté. Non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu une femme dans un cimetière qui pleurait et qui avait de mauvais agissements par rapport à la perte d'un proche. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a voulu la conseiller et elle lui a dit innaka lam tusab bi musibati. Elle lui a dit tu n'as pas été atteint par le mal qui m'a touché. Tu ne peux pas me comprendre comme on l'entend souvent. Personne ne peut me comprendre. Alors le prophète il est parti. Ensuite les gens lui ont dit c'est le messager d'Allah. Oh mince. Elle est retournée le voir. Je ne savais pas que c'était toi au messager d'Allah. Il lui a dit innama sabru inda sadmatil ula. Il lui a dit l'endurance c'est au premier choc. C'est au premier choc qu'on a l'endurance, qu'on voit si tu es endurant ou pas. Hein? Parfois, certains vont avoir ce problème dans le couple. Il y a quelque chose qui se passe à la maison, boum, ça explose direct. Innama sabru inda sadmatil ula. L'endurance est au premier choc. C'est là, là, à ce moment où tu as eu le premier choc, c'est à ce moment qu'il faut que tu sois endurant. Plus tard, une fois que tu es calmé, c'est facile pour tout le monde. C'est facile pour tout le monde. Mais c'est le moment où vraiment il s'est passé quelque chose qui t'a vraiment déplu, qui t'a énervé. C'est là qu'il faut que tu retiennes et que tu endures. Et donc c'est important, les frères, barakallahu fikoum, qu'on apprenne cette caractéristique, l'endurance, dans toutes choses. Dans la prière à la mosquée, dans l'apprentissage de la religion. Parfois on voit les frères qui sont motivés. Machallah, le premier séminaire qu'on avait fait, du moins la première fois que j'étais venu, les frères ils étaient motivés. Ce n'était pas que pour la Umrah, mais ils étaient motivés, ils avaient envie d'apprendre. Et petit à petit on voit l'endurance qui diminue. Et ça c'est connu. En général, quand tu commences un nouveau livre, tu commences un nouveau sujet, tu vois, allez, il y a du monde. Et au fur et à mesure du temps, il y a de moins en moins de monde. C'est l'endurance. Tu veux apprendre la langue arabe? Tu veux devenir arabophone? Tu veux lire le livre d'Allah tabaraka wa ta'ala aisément? C'est l'endurance. Il faut que tu sois endurant. C'est important, les frères, qu'on apprenne cette caractéristique, qu'on applique dans tous les sujets de notre vie. L'endurance, on en a besoin dans tous les sujets. C'est pour ça que les savants ils nous disent qu'il y a trois formes d'endurance. Trois formes d'endurance. Le fait d'endurer quant aux obligations. Allah, il t'a rendu obligatoire à la prière. Il faut que tu endures. Donc, concernant toutes les obligations qui sont liées à toi. Allah tabaraka wa ta'ala t'a interdit des choses, il faut que tu sois endurant. Deuxième forme d'endurance, l'endurance dans le fait de délaisser ce qui est interdit. Ça, et troisième forme d'endurance, c'est laquelle? Le fait d'endurer quant au décret d'Allah tabaraka wa ta'ala. Wa alaykoum salam wa barakatuh. Allah a décrété que ton argent sera volé. Quelqu'un te vole une grosse somme d'argent. Wa alaykoum salam wa barakatuh. Il faut que tu endures. Quelqu'un te fait injustice. Il faut que tu endures. On te pousse à délaisser ta religion. Il faut que tu endures. C'est pour ça qu'Allah tabaraka wa ta'ala, il dit à son prophète, inna nazzalna عليك القرآن تنزيلا. Certes, nous avons fait descendre le Coran sur toi. Nous avons fait descendre le Coran sur toi. Qu'est-ce que tu dois faire? Fasbir li hukmi rabbik. Alors, endure quant au décret de ton Seigneur. On a fait descendre le Coran sur toi, alors endure dans l'accomplissement des obligations. Endure dans le délaissement des interdits. Endure quant au mal qui va te toucher. Parfois, certains ils vont faiblir. Ah, on m'a mal regardé, alors je ne vais pas prier. Ils se retrouvent dans une situation où il faut qu'ils prient. Il faut qu'ils prient dehors. Ah, mais il n'y a pas de musulmans. Je suis le seul musulman. Si je fais ma salate maintenant, les gens ils vont me regarder. Ou si, ou ça. On n'arrive pas à endurer juste sur le fait que les gens nous regardent. Juste sur le fait que des gens nous regardent, on n'arrive pas à endurer. C'est si difficile que ça. À tel point que maintenant, des gens ils nous posent des questions. Est-ce que je peux prier dans les toilettes? On n'arrive pas à endurer. Et donc, les frères, c'est important, barakallahu fikoum, qu'on patiente, qu'on endure dans la difficulté. Et il y a dans ce sujet, jazakumullahu khairan, l'importance de la science. Parce que l'auteur, il nous dit que ces gens-là, ils ont enduré concernant toutes les difficultés en espérant bénéficier de sa bonté. Et donc, c'est quand est-ce qu'ils ont espéré ? Ils ont espéré quand ils ont su. Quand ils ont su, quand ils ont connu les récompenses liées à l'endurance, ils ont été endurants. Et donc, il est important que tu connaisses. Voilà pourquoi on a vu pourquoi des savants ont patienté dans des épreuves. L'imam Ahmed, rahimahullah, qui patiente au fait d'être fouetté je ne sais pas combien de fois, évanoui, il patiente, il endure. Pourquoi ? Parce qu'il espère la récompense. L'imam Malik, rahimahullah, qui a patienté, qui a enduré, Ibn Taymiyyah, les savants qui ont patienté de façon générale. Et donc celui qui connaît bien sa religion, qui connaît les récompenses qui sont liées à tel acte, il va endurer, il va patienter. Et c'est pour ça qu'il est important qu'on apprenne. On doit apprendre, les frères. Nous devons faire des causes pour apprendre notre religion, apprendre à nous rapprocher d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et donc on va arrêter là pour aujourd'hui, inshallah ta'ala. On demande à Allah Azza wa Jalla de nous accorder à tous la réussite, il est capable de toutes choses. Subhanaka wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant. أستغفرك وأتوب إليك جزاكم الله خيرا